Quant à la piste du différend familial, malgré l'absence de preuves à charge, elle reste toujours envisagée, tout comme celle d'un tueur fou. Voilà le cas typique d'une affaire non résolue, ce qui par nature n'est pas forcément définitif. Vous écoutez France Inter, affaire sensible, la tuerie de Chevaline, dont nous allons parler avec notre invitée Patricia Touranchot. Bonjour. Bonjour. Vous avez suivi cette affaire criminelle depuis le début pendant plus de 2 ans. Vous êtes spécialiste des cold cases, du banditisme et des tueurs en série. Vous avez co-réalisé la série Grégory pour Netflix et publié le livre Grégory, la machination familiale au seuil. Et votre dernier ouvrage s'intitule Le Magot, fournirait le gang des postiches. C'est aux éditions Seuil et Point. Alors, notre affaire, aujourd'hui, en avril 2021, soit 9 ans après les faits, le mystère reste entier, ce qu'on appelle un crime non élucidé, tout comme l'affaire Grégory et d'autres. D'ailleurs, on en égrène quelques-unes cette semaine, dans Affaires Sensibles, dans une série. Alors, vous qui êtes une spécialiste, comment et pourquoi certains crimes restent-ils non élucidés? Je vais préciser ma question. Est-ce que vous avez repéré, à travers votre carrière de faits diversiaires, des points communs qu'on retrouve dans les affaires non élucidées? Quelque chose qui vous saute aux yeux. Souvent, très souvent, ce sont des affaires, des enquêtes qui démarrent mal. Mais, par exemple, ensuite, il y a plusieurs cas de figure. Pour Grégory, par exemple, assassiné en 84 et jeté vivant dans une rivière, la Vologne, la police technique et scientifique n'existait pas. Donc, la scène de crime a été piétinée, polluée par les gens au bord de la rivière, par les pompiers, par les gendarmes, etc. Ensuite, des faux témoignages ont été faits. Et puis, l'enquête initiale des gendarmes, qui n'était pas si mal, a été dévoyée ensuite par la police judiciaire de Nancy. Et enfin, des erreurs de procédure dues au juge d'instruction ont fait annuler des tas de pièces qui incriminaient le suspect numéro 1. Là, pour Chevaline, je trouve que les enquêteurs ont bien exploré les multiples pistes qui s'ouvraient à eux dès le départ. Mais le problème, c'est que la scène de crime en plein air, c'est pas le mieux pour trouver des indices matériels. Certes, ils ont ramassé des mégots, des cartouches de chasse, même des excréments sur place, mais il s'agit d'un parking en terre battue qui est très fréquenté. Alors, des traces de pas ou des traces de pneus sont trop dures à relever. Enfin, il y en a trop. Oui. Et puis, si le tireur a laissé tomber un cheveu, il a dû s'envoler. Et il y a même un doute, si vous voulez, sur le fragment de l'arme qui a été retrouvé par terre. Les enquêteurs ont tendance à penser qu'elle provient de l'arme du crime, mais on n'en est pas certain à 100%. Alors, on a vu, dès le début de cette affaire, il y a eu un fort écho médiatique. Et alors, il y a toujours le même débat. Oui, la presse est beaucoup intervenue, ça a brouillé l'enquête. Peut-être pas si simple que ça. Ça peut, au contraire, le travail des journalistes peut apporter des éléments d'enquête, des éléments précieux. Dans cette affaire Chevaline, la présence des médias et la gestion de ces médias par la justice, comment ça vous paraît ? Normal ? Oui, c'est normal. Moi, je ne vais pas reprocher à un procureur de la République de donner des infos à la presse. Ah oui. Et je ne crois pas que ça ait nui à l'enquête, parce qu'il s'est arrêté à temps. Il ne donnait pas les éléments vraiment essentiels pour l'enquête. En revanche, là, il y a certains tabloïds britanniques qui sortaient tout et n'importe quoi, ce qui n'a pas aidé. Même des soupçons sur le cycliste anglais ancien de la Royal Navy qui pourtant avait secouru les victimes et alerté tout le monde. Donc c'était pas reluisant, mais en même temps comment dire, on est vraiment dans un dossier criminel à part. Pourquoi à part ? C'est très original. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Moi, ce qui me fait dire ça, alors d'abord, c'est une tuerie de masse. Oui. Hein, parce que voilà, quatre personnes tuées comme ça entre une minute et quatre minutes, c'est incroyable. Ensuite, parce que l'arme du crime, le fameux Luger Parabellum 06, qui est une arme prisée des collectionneurs et ancienne, puisqu'elle remonte, elle était en dotation dans l'armée suisse dans les années 30, oui. Ramène à une piste régionale. Local et donc plus à des meurtres crapuleux, fortuits, qui auraient été commis sur des touristes anglais. Alors qu'à l'inverse, la qualité des victimes, britanniques d'origine irakienne, en tout cas pour Saad Halili, aiguille plus l'enquête sur un plan international et sur un possible règlement de compte familial. Donc, en tout cela, c'est une affaire, pour moi, hors norme. Alors, puisque vous me parliez du Luger, l'arme, votre oui. confrère, notre confrère, nos confrères du Dauphiné Libéré, puisque c'est la région de la Savoie, écrivent « La piste oui. du Luger est le dernier espoir des gendarmes de la section de recherche de Savoie pour pouvoir remonter jusqu'au tueur ». Et alors, comme à chaque fois qu'un Luger apparaît dans une affaire criminelle, écrivent nos confrères, les autres tentatives de rapprochement se sont à présent révélées infructueuses, pardon. Celle-ci sera-t-elle la bonne? Alors, il semble qu'il puisse y avoir un espoir pour trouver du côté de l'arme, justement. C'est un des derniers espoirs, puisque c'est le seul élément matériel dont disposent les enquêteurs. C'est cette arme et les munitions de calibre 7,65 mm qui ont été tirées. Mais en revanche, moi je vois apparaître des tas de pistes autour de cette arme, ok, mais les munitions sont très répandues et peuvent être tirées par tout un tas d'armes à feu. Bien sûr. Donc, voilà, c'est un indice intéressant à creuser, effectivement, parce que le jour où les gendarmes tombent chez un collectionneur ou un psychopathe ou un fondu d'armes ou je ne sais qui, ou un tueur à gages au rabais qui disposerait d'une telle arme, les crimes seraient signés. Mais pour l'instant, ça donne rien. Patricia Toranchot va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Grizzly Bear et on essaiera d'égrener les hypothèses. À tout de suite. Oui. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Patricia Toranchot, 7 minutes pour convaincre, ou en tout cas 7 minutes pour discuter des hypothèses. Allons, on y va. Crime de rôdeur. On va pas faire, je vous rassure, on va pas faire un catalogue, hein. J'ai 2-3 pistes, pas plus. Mais crime de rôdeur. Crime de rôdeur, bah, les enquêteurs, c'est possible parce que la famille Halili n'a pas prévu normalement d'aller en cet endroit, hein, et s'arrête à un moment donné. La petite fille Zeynab sort avec son père. Peut-être que tout simplement la gamine a envie de faire pipi, son père l'accompagne et il y a un cinglé tapis dans la forêt qui jaillit parce qu'il est dérangé dans je ne sais quoi, quelle activité. et il se met à tirer. Mais cette piste-là, donc des psychopathes, des gens passés en psychiatrie et ayant un passé de violence, il y en a un millier de dossiers entre la Suisse, le nord de l'Italie et la région de Savoie qui ont été explorés pour l'instant sans succès. Différents familiales. Alors, cette hypothèse, elle est très intéressante. Parce que le père à Lily, qui est décédé en 2011, disposait quand même d'une fortune considérable. Hein, compte en Suisse, créditeur de presque 1 million d'euros, des maisons en Espagne et à Bagdad. Et les enquêteurs ont découvert 2 projets de testament écrits par le père à Lily et qui n'étaient pas compatibles. Le premier a été rédigé apparemment sous la dictée de Zaïd, et déshérité totalement Saad pour léguer toute la fortune donc à Zaïd. Le deuxième projet testament qui a été écrit par le père, après des explications orageuses entre les deux frères, partage équitablement les biens du père. Et donc on sait que le conflit était très intense à ce sujet entre les deux frères et que Saad avait peur pour sa vie et se protégeait. Par contre, les limites de cette hypothèse très séduisante, c'est que Zaïd n'était pas en France au moment des faits et que s'il a confié un contrat à un tueur à gages pour supprimer son frère Saad et sa famille, ce contrat est bien mal exécuté. Vous l'avez dit, l'arme elle-même n'est pas une arme sûre. Elle s'enraye facilement, il faut la recharger tous les 7 tirs. Oui. Ou alors, il s'agirait d'un tueur à gages très low cost. Hein, venu des Balkans, de pays de l'Est, je ne sais pas, et qui se procure ou vole le pistolet sur place. Oui. Donc les deux hypothèses sont séduisantes et crédibles, mais ne tiennent pas, ne sont pas étayées par des preuves matérielles, quoi. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'officine criminelle franc-maçonne qui pourrait avoir un lien entre la tuerie de Chevaline, avec la tuerie de Chevaline? On voit pas trop ce que vient faire la franc-maçonnerie là-dedans, mais bon, on la met parfois à toutes les sauces, et là elle ressort. Alors, ce serait, je vais pas en dire plus, hein, ce serait une officine. Vous avez lu, bah, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense honnêtement, le on rappelle ce que c'est un lien supposé qui est fait entre des tueurs à gages anciens des services secrets, téléguidés par un ponte d'une loge franc-maçonne, et qui en soi est une affaire extraordinaire, et la tuerie de Chevaline, parce qu'il y aurait des munitions semblables. Hélas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le type de munition de calibre 7,65 qui a été utilisé par le tireur de Chevaline est très répandu. Donc je pense qu'on le saurait si une expertise balistique avait confirmé ça. Et ça, dans tous les cold cases, si vous voulez, à partir d'un certain nombre d'années où l'affaire n'est pas résolue et donc reste une énigme, les hypothèses les plus fumeuses circulent. C'est normal, les gens imaginent tout puisqu'on n'a pas la clé du mystère. Mais ils ont le droit d'ailleurs, c'est légitime quand on enquête. Bien sûr. Et puis la presse relaye ensuite des rapprochements qui sont faits par les uns ou les autres. Voyez, sur des munitions ou autres, quoi. Mais là, c'est vrai qu'on peut imaginer des tas de choses. Mais parfois, si vous voulez, la solution est plus simple et bête qu'on le croit, et qu'on imagine. Voilà. Et que là, parce qu'il y a un massacre, vraiment de 4 personnes, c'est démesuré. En une fraction de seconde, en plein après-midi, dans un endroit fréquenté, à partir de là, on imagine toujours une solution compliquée. Mais non, effectivement, c'est peut-être un fondu total avec sa vieille pétoire là qui était dans la forêt, qui s'est buté tout le monde sur un coup de colère, y compris le cycliste qui apparaît au moment fatal, même si tout cela apparaît inconcevable. Bon, concernant le cycliste, c'était quelqu'un qui passait par là. Au mauvais moment, c'est ce que s'appelle dramatiquement passer au mauvais moment, au mauvais endroit. Exactement. Là, c'est sûr. Oui, mais imaginez, peut-être que c'est le même cas pour la voiture de la famille à Lily, en fait. Peut-être que cette voiture, elle passe là, elle se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis dérange quelqu'un et se fait massacrer. Ça peut être ça aussi. Oui, ça peut être ça. Alors justement, on était sur 3 hypothèses. Donc crime de rôdeur, pourquoi pas, on peut pas l'exclure. Différent familial, pourquoi pas. officine franc-maçonne. Bon, ça, ça paraît un peu plus léger. Ouais. Et la quatrième question, c'est alors, selon vous, vous pencheriez pour quel... Je ne sais pas si je peux vous poser la question. Après tout, vous ne lisez pas dans la boule de cristal. Vous êtes journaliste, vous êtes enquêtrice aussi. Et une enquêtrice en police justice doit émettre des hypothèses, j'imagine, non? Et donc, quelle serait la vôtre? Oui, mais on n'est pas... Non, je ne suis pas une enquêtrice. On ne fait pas de la devinette. Je n'ai pas les moyens de la... Non, mais vous enquêtez journalistiquement. J'observe, mais moi, je vous dis, dans les deux hypothèses privilégiées, que je privilégie aussi, hein, celle du différend familial, règlement de compte lié... à la succession du père alibi et le crime fortuit d'un psychopathe totalement givré et armé, il y a des inconvénients dans les deux. Bon. Donc je ne peux pas pencher sur l'une ou l'autre. Sauf que... On va conclure après, Patricia. Allez-y. Sauf oui, que... Oui, non. Je penche plutôt quand même sur le crime fortuit. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Parce que le tueur à gages qui vient dans ce coin paumé alors que les alliés n'ont même pas prévu de venir ici avec une vieille arme des années 30, oui. Me paraît totalement barbu. Bien. Merci en tout cas. Merci, Patricia Toronchaud. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la tuerie de Chevaline. Merci Henri Bérec qui était à la technique.